Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 90. J'espère qu'il n'y a personne de mort en ce mardi, le 21 décembre 2021. Ça l'achève cette année-là, ça l'achève, lâchez pas. Fait que, ouais, épisode 90 déjà, ça va vite les affaires, ça va très vite. Colin, j'approche un 100e épisode bientôt. Aïe, aïe, aïe. Je me rattraper rétro nouveau éventuellement. Ah, excusez. La COVID. Non, c'est une joke. C'est des jokes de COVID. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, je suis un peu buzzé, là, débuzzé d'être dans le demi-caféine qui n'est pas encore rentré dans mon système. Excusez, il y a eu un message, j'ai un message qui passe. Là. Je vais pas les regarder encore une fois, ça me dérange. Fait que ouais! Alors, 5000 cas de COVID ont été annoncés aujourd'hui, et puis c'est beaucoup de cas, bien sûr. Mais c'est pas si surprenant non plus, au sens que présentement, il y a un variant très, très, très virulent, très infectieux, qui se propage très facilement, et tout le monde se fait comme tester massivement, fait que c'est bien certain qu'il y a plus de cas. Là, hier, c'était lundi, et puis hier, lundi, ils ont annoncé la fermeture des bars, salles de spectacle et plein d'autres affaires. Vous avez vu ça comme moi. Donc, c'est ça. Puis là, ben, d'ici Noël, donc vendredi, c'est le 24, je pense. Nous autres, on fête le 24. D'ici vendredi, samedi, il va probablement avoir d'autres annonces, peut-être même aujourd'hui, qui sait, ils vont peut-être interdire. Je vois pas qu'est-ce qui reste tant que ça qu'ils pourraient faire, à part interdire carrément les rassemblements, donc tout le monde à maison. Couvre-feu, je serais surpris qu'ils le rembarquent, là, tu sais, fait qu'ils pourraient aussi fermer les commerces, fait qu'on verra bien, on verra bien. Alors, en ce qui concerne l'arcade, c'est bien certain qu'on est les premiers à fermer, mais vous savez, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, là, puis c'est bien certain que c'était paniquant au début, puis fuck man, on ferme, qu'est-ce qui arrive? Là, on s'en vient un petit peu habitué de se faire fermer puis de réouvrir, tu sais, puis les plexiglas sont là, puis Purel est là, ils disent qu'on peut ouvrir, on ouvre, ils disent qu'on ferme, on ferme, et puis quand on est fermé, on a des subventions, des prêts, des affaires, on a de l'aide. Pendant qu'on est ouvert, vu qu'on se donne, on se paye pas, on fait juste comme accumuler un petit coussin pour la prochaine fois qu'on devra se refermer. Tu sais, on fait juste comme exister présentement. Fait que c'est pas, bien sûr, on n'a pas de revenus à tirer de l'arcade, mais au moins elle existe, puis elle a de l'argent, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, à chaque réouverture qu'on a, c'est pour pallier à la prochaine fermeture. Fait que là, c'est la prochaine fermeture. On a un coussin, puis on va avoir de l'aide. Fait que ça devrait se maintenir tranquillement, là. J'ai comme l'impression qu'on peut être fermé un bout. Jusqu'à au 1er mars, tant qu'à moi, là. Vu que c'est tellement la panique présentement, puis c'est la plus grosse panique depuis le début, depuis le lancement de la COVID, qui était le moment paniquant, parce qu'on savait pas dans quoi on était. On dirait que là, c'est la plus grosse deuxième panique, disons. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à l'arcade, tu sais, c'est tellement compliqué de gérer, tu sais, puis là, il a fallu samedi soir dernier qu'on ferme à l'improviste comme ça, parce qu'on avait des employés qui avaient côtoyer des gens qui avaient la COVID, ils ont fait des tests rapides, puis c'était négatif, mais en même temps, à quel point, tu sais, c'est tight, ces tests-là, quand t'as pas de symptômes, fait que là, on s'est dit, puis là, les autres employés avaient peur, fait qu'on a dit, OK, on va fermer, là, on fera pas une catastrophe, là, tu sais, fait qu'on a décidé de fermer par précaution, fait que c'est ça, puis là, ben, on a fermé pour de bon. Mais c'est comme, en même temps, c'est comme plus simple d'être fermé et subventionné que d'être ouvert et qu'il n'y ait personne, premièrement. Puis avoir à gérer là, le staff qui a peur, puis le monde qui a peur, puis les messages. Puis c'est très compliqué, là, tu sais. Des messages, on en reçoit tous les jours, là. Des messages Facebook, tu sais, il y a encore du monde qui nous demande, tu sais, le passeport est-il exigé, tu sais, des affaires de même. C'est comme, guys, ça, Chris, oui, tu sais, c'est pas... vous vivez pas dans le même monde que nous autres, là. Oui, quand tu vas au resto, il y a un passeport, puis dans les bars, ben, il y a un passeport. Puis quand tu vas n'importe où, il y a un fucking passeport, tu sais, sauf dans les magasins. Fait que Chris, oui, il y en a un, là, allume, tu sais. En tout cas, il y a du monde, man, qui sont pas sur la même planète, là, puis ça me fait capoter, là. Fait que de devoir répondre à ça, puis répondre à tout le monde, c'est quoi vos horaires, elles vont être ouvertes, elles vont être fermées. Là, en plus, moi, on avait prévu une belle promo entre Noël puis le jour de l'an. Il y avait le 26, 27, 28, ou quelque chose de même, c'est les trois jours au milieu de la semaine, en tout cas, on s'est dit, on va être ouvert le jour, et puis on va fermer à 3 heures, parce que les gens sont en congé. Puis quand t'es en congé, t'as rien à faire. Crée une petite bière à l'arcade l'après-midi en jouant aux machines là, pendant tes vacances de Noël, là, entre deux parties. C'est super le fun, ça. Fait qu'on s'est dit, tu sais, ça va être populaire. On va faire un deal sur la bière puis sa boisson. Puis on va être ouvert le jour. Tous les employés étaient prêts, tu sais. On allait le faire. Finalement, ben, c'est ça. On allait faire un party du jour de l'an aussi. Peut-être un tournoi de Mario Kart. Smash Melee ou Mario Kart. On avait à avoir une GameCube à la donner aux gagnants ou à faire tirer s'il n'y avait pas eu de tournoi. On était en train de checker ça. Finalement, ça n'aura pas lieu. Bon, moi, ça m'enlève de l'ouvrage. Moi, ça, c'était ma semaine. Puis là, ma semaine est comme, bon, ben, coudonc, on va boire du café. Mais, cela dit, au moins là, on a une gérante maintenant, et puis mon Dieu que je l'aime. Ça fait tellement du bien d'avoir de la gestion. Ça fonctionne, là, le contact avec les employés, puis les affaires se passent, elle est proactive, tu sais, ça a changé à la game, là, ben raide. Fait que, tu sais, au lieu que nous autres, on court après tous et chacun qui nous répondent jamais, puis qu'ils se présentent pas, puis que, tu sais, ben, c'est pas tout le monde, là, mais tu sais, il y a eu des cas, fait que. Au moins là, on a un capitaine, tu sais, dans le navire, fait que ça aide beaucoup. Donc, j'espère qu'elle s'en ira pas pendant qu'on est fermé, là, puis qu'elle va rester, là, coudonc. Fait que tout ce beau monde-là va tomber sur le chômage, alors voilà. Et puis, c'est ça qui est ça pour l'arcade. C'est pas grave, ça fait partie de la game dans laquelle on est présentement, puis c'est ça qui est ça. Moi, ce que je veux avec l'arcade, là, c'est... Là, on a re-signé notre bail, genre, un mois avant que la COVID tombe, tu sais, pour un autre 5 ans, tu sais. Fait que là, on est comme lié à ça. Mais moi, j'aimerais ça. D'ici 5 ans, là, à la fin de ce bail-là, là, moi, j'ai des plans. J'ai des gros plans. Et puis, je veux voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet-là. Comment est-ce qu'on peut le rendre plus grand? Déménager. À moins qu'on réussisse à signer à l'année avec le proprio. Le proprio... Ça marche pas, là, tu sais. C'est vraiment pas une bonne personne. Et puis, il fait rien pour nous aider. Fait que, non. Être au deuxième étage aussi avec les machines, c'est vraiment chiant. Moi, j'aimerais ça déménager ce beau projet-là ailleurs, trouver d'autres associés, puis faire un hostie d'affaires. C'est pas peut-être rentrer Retro MTL avec ça aussi, tu sais. Moi, j'ai tout le temps rêvé à Montréal d'avoir le monument du gaming, tu sais. C'est comme... Là-dedans, là, une grosse... place, là, tu sais, là-dedans, il y a des arcades, il y a des jeux à vendre, il y a de la bouffe, de la bière, de party, on rajoutera du VR, man, on rajoutera du Magic, tu sais, comme la grosse place. Et puis, je pourrais essayer de fusionner ça, là, tu sais, quand le bail de l'arcade va finir, Retro MTL va peut-être déménager, c'est comme, je vais parler à tout le monde, je vais essayer de trouver, de connecter des fils ensemble, en tout cas, c'est un objectif que j'aurais, là. Ça serait pas mal plaisant, puis je pense que ça marcherait très bien. Et puis, j'ai des contacts dans la bière, j'ai des contacts... la bouffe, c'est trouvable, ça aussi, fait que, ouais, en tout cas, c'est ça. Fait que l'arcade sera l'arcade, ça va rester ce que c'est pour l'instant, tu sais. Puis la COVID, man, pas l'impression que ça va se finir de sitôt. Là, tu sais, on était doublement vaccinés. Vous êtes protégés à full pourcent, là, je sais plus quoi, là, 80 en montant, whatever. Ouais, mais là, finalement, non, c'est juste bon pour 30%. Il faut que tu aies un autre vaccin pour remonter à 70. OK. Puis le prochain variant, tu sais, parce qu'il va en avoir un autre après l'Omicron, là, tu sais, il va tout le temps en avoir des variants, là, tu sais, ça... Je suis pas spécialiste, là, mais, tu sais, c'est un virus-là, il merge, là, tu sais. Il veut pas mourir, là. Il a besoin de s'installer. Fait que il s'installe. Il s'installe en crise. Mais, en tout cas, tu sais, c'est bien certain, c'est pour soutenir le système de santé, pas faire du délestage, puis ça, je suis 100% d'accord et je comprends tout ça. Par contre, il va falloir vivre avec, là. ça sera plus là, une croque-mitaine, là, le virus, là, hein? Ça va être présent dans notre vie, là, comme la marde de chien sur les trottoirs, tu sais. Faut faire avec, c'est là. Faites plus d'hôpitaux d'abord, t'sais. Faites des hôpitaux spéciaux COVID, je sais pas quoi, là, tu sais, des maisons de la COVID, là, s'il le faut, là, tu sais, mais il faudra trouver une façon de vivre avec, là, ça va pas disparaître du jour au lendemain, là, tu sais, fait que, c'est ça. Ben, la grippe espagnole, c'est disparu un jour, mais ça a été long, mais dans ce temps, on était en 1900, fait que là, peut-être ça va plus vite. Aucune idée, mais la COVID est nettement moins dangereuse que la grippe espagnole l'a été dans le temps. C'est sûr qu'en 1900, le monde chiait dans la rue, là, tu sais, fait que ça crevait de bonheur. Mais ce qui est pas notre cas ici, mais... Ah, il est tôt pour parler autant de marde, hein? Mais c'est ça, on verra bien. Anyway, moi, ce que j'aime pas, c'est voir une panique généralisée comme ça. Le monde, il prend... Là, Chris, les tests rapides sont devenus plus rares, esti, qu'il y a des mégamans en boîte. Et tout le monde se garoche là-dessus. Tout le monde veut prendre son petit test rapide là, avant d'aller voir sa mère à Noël. Là, les tests rapides, là, c'est pour quand tu penses que tu l'as. Là. C'est pas comme en prévision de aller te mettre chaud à Noël là, avec ta gang. Là, tout le monde, man, se garoche ses tests rapides. Là. Puis tout le monde se fait tester. Là, tout le monde pense qu'il est malade. Tout le monde, je pense que... T'sais. Je suis malade à la... Moi, là, j'ai tout le temps de quoi te péter sur moi. J'ai tout le temps un petit peu aussi, un petit peu de nez. Ah, j'ai comme mal à une oreille. Ah, je me réveille un matin, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cul, j'ai mal au dos. J'ai mal tout le temps. J'ai tout le temps, c'est ça. Fait que quand tu te mets à faire de l'hypervigilance, genre, sur comment ton corps est, c'est clair que t'as un bobo en permanence. Si j'arrête de parler, là, ma tête à cils, j'entends comme... Parce que, oh mon dieu, mais je suis malade, je suis comme, non, je suis juste comme fatigué, whatever, il y a du bruit, puis mon calice me couche le soir, puis ça disparaît, me réveille le matin, ça revient un moment donné. T'es tout le temps malade, on est tout le temps un petit fond, on n'est jamais parfaitement parfait, top, tu sais. Fait que, ben, là, moi, je vais avoir 42 ans, fait que c'est ça, là, peut-être les flots de 20 ans, là, et, vous êtes supposé être en forme, vous autres, là, arrêtez de checker vos bobos, là, Chris, vous êtes solide, là, c'est quoi, là? Fait que là, c'est ça, tout le monde panique parce que tout le monde a fait l'hypervigilance sur ses bobos présentement. Fait que tout le monde pense qu'il est malade, fait que tout le monde va se faire tester, puis tout le monde veut des tests rapides, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le gouvernement aurait peut-être dû voir ça aller un peu plus, par contre, là. Parce que moi, je voulais me faire tester aussi parce que je coulais, j'avais mal à la gorge, puis j'avais vraiment un rhume, tu sais. Puis j'ai réussi à me faire tester, mais c'était avant cette panique-là. Mais après ça, il y a eu de la COVID dans la classe de mes enfants, fait que bien sûr, il fallait faire tester nos enfants. Mais puis on est allé, puis on n'a pas réussi. Puis on n'a pas réussi aussi, pourquoi? Parce que les anti-vax, il faut qu'ils se fassent tester 3 fois par semaine, eux autres, pour continuer de travailler, ceux qui sont au gouvernement. Puis la file était pleine de ces gens-là. Fait que là, toutes eux autres passent avant et ont le droit de... Puis là, comme ils ont dit, OK, c'est terminé pour asseoir, plus de place. Ils ont dit, hey, moi, là, je suis... J'ai oublié le nom là, de ça. Là. Puis comme moi, je... OK, ben allez-y. Puis nous autres, là, tu sais, que... qu'on fait un effort, qu'on se fait vacciner, qu'on suit les consignes, puis que t'sais, nos enfants vont à l'école, puis qu'on contribue, puis nous autres, on n'a pas pu passer. Fait que mangeons de la merde encore. Les antivax, il faut qu'ils aillent se faire tester, t'sais, parce qu'il faut qu'ils continuent à travailler au gouvernement. Fait que c'est ça. Ça m'a fait chier en tabarnak, là, sérieux, man. Hey, tu veux pas faire l'effort, puis... Puis tu passes devant tout le monde parce que tu refuses, de faire l'effort, de contribuer, là, t'sais. Tu sais, le vaccin là, pour la grippe, il y a un vaccin pour la gastro, là, tu sais, c'est pas de l'eau de marécage là, qu'on t'injecte, là. C'est pas du poison, là, c'est pas calice, là, c'est mondialement un remède mondial des plus grandes scientifiques mondiaux, on s'était ça, tu sais, c'est calice. Mais bon, fait qu'on parlera pas que de ça. Par contre, Rétro Nouveau aussi. On avait repoussé le 200e épisode, l'épisode 200, qu'on veut faire un petit quelque chose parce qu'on revenait du WEG et puis on n'était pas prêt. Et puis Là, on était rendu à faire ça. On voulait le faire demain, mercredi le 22 décembre. Le 200e, ça allait être un épisode 200e et top de l'année ensemble, comme on fait à chaque année. Donc, un beau grand épisode. Puis là, pour de vrai, on était prêts, tu sais. On avait comme... On a du montage vidéo dedans, de prévu. Tu sais, on fait un peu... On repasse un peu dans nos archives. Tu sais, c'était vraiment un genre de vidéo... hommage un peu à ce qu'on a fait, plus nos jeux de l'année, puis tout. Puis il y avait des surprises, puis on était tous setés, là. On allait faire ça, on allait avoir du monde, puis là, ça est arrivé. Fait que il était plus question de le faire en personne. Puis là, ben, de le faire à distance, tu sais, chacun de notre bord, là, plugger les... Tu sais, d'un, t'as pas la dynamique d'être ensemble, puis de rigoler en parlant du bon vieux temps. De deux, là, c'est comme plug la vidéo. Qu'est-ce que tu disais? Ah oui, attends, on va voir. Check ça, les. Ah, check la vidéo. Tu sais, c'est de la merde, là. C'est comme gaspiller ce que notre 200e épisode, tu sais, dans le faisant un remote, là. Fait que. C'est de la merde, là. Tu sais, fait que. On a décidé, fuck that, mets ça sur pause. Là, on peut continuer les épisodes. Des épisodes, tu sais, comme réguliers, à distance, comme on l'a fait pendant la COVID un peu, mais en toute honnêteté, c'est vraiment de ma faute si ça n'arrive pas, puis que Retro Nouveau est en pause à ce niveau-là. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai des épisodes de 2 heures, 3 heures, comme dans mon sous-sol, devant mon écran, comme ça, à attendre que les gars finissent de parler pour que je parle, puis qu'on n'a pas de répartie, puis... Mais je trouve ça long, pénible, désagréable. J'ai aucun plaisir à faire ça. Je fais ça de reculons à chaque fois que c'est le temps. Moi, j'ai pas fait là, pour être parké devant un écran. Et puis de faire ça, là, je le fais moi, là, c'est facile, je suis tout seul. Là, puis ça dure une heure, j'ai mon café. Là, je disais, je suis venu ici ce matin, j'ai respiré de l'air dehors, je suis réveillé. Mais le soir, chez nous, en train de cailler dans le sous-sol, en checkant ça, je suis pas capable de faire ça. Moi non, tu sais. Fait que puis je veux pas m'équiper pour le faire parce que j'ai pas envie de le faire, fait que c'est ça. Bruno, il était 50-50, lui, en même temps, lui, il est tout le temps là-dessus aussi, à longueur de journée, il est dans les meetings, fait que, tu sais, il disait pas non, mais ça, il tentait pas tant non plus. Fred, il était bien willing, lui, il est bien à l'aise avec ça, fait que, mais au final, s'il y a pas de Retro Nouveau qui continue en remote, c'est vraiment à cause de moi. désolé. Mais sachez aussi, on a mis les Patreons sur pause. Donc, ceux qui contribuent à Retro Nouveau, il n'y a pas d'argent là, qui va être pris. Vous n'enverrez pas d'argent à Retro Nouveau pendant qu'on est sur pause. Donc, voilà. Et puis, ça nous donnera le temps de checker là, un peu là, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais tu sais, en même temps, si tout le monde est chez eux et on peut pas sortir, c'est ça. Ça va reprendre là où ce que ça sera, tu sais. Je vais essayer de finir les Doritos dans le temps des fêtes. Je vais en donner aux employés ici là, pour ne pas y gaspiller notre beau commanditaire de Doritos là, qui nous a bien fourni ben trop de Doritos. Sérieux, ça finit plus. Puis il nous reste de la bière aussi, Pixel. On va peut-être m'en amener une ou deux à la maison là, pour boire dans le temps des fêtes. Fait que voilà ce qui arrive avec Retro Nouveau. Mais je tenais à mentionner qu'on repousse pas parce qu'on se pogne le cul. On était vraiment prêts et on avait du stock. Mais c'est vraiment circonstanciel. Là. Fait que ça sera juste plus beau quand on recommencera. Je sais pas quand. Bon, c'est l'heure d'un update poubelle, mes chers amis. Incroyable ce qui s'est passé. Tout a été ramassé. Tout a été ramassé et bien ramassé. Donc la petite poubelle pleine de marbre qui était apparue au magasin là, dont je vous parlais, que j'ai mis une photo. Je l'ai traînée sur le bord de la rue pour qu'elle se fasse ramasser. Elle s'est faite ramasser. Fait que la poubelle est là. Vide. Là, je l'ai pas mis en face de notre commerce, je l'ai mis un peu plus loin. Je pense que je vais tout le temps les mettre là, les poubelles et les affaires qui apparaissent random devant notre commerce. On va les mettre à côté puis adviennent que pourra. Au moins, ils sont plus en avant de chez nous. Hein? Sinon, qu'est-ce que je fasse avec ça encore? Arrêtez de me donner des poubelles, moi je les découpe. T'sais. Fait que cette poubelle vide là va rester là. Puis j'imagine que les passants vont mettre leur sac à merde là-dedans. Puis, ça va devenir comme une poubelle publique, dans le fond. Au lieu que la ville installe une poubelle, cette poubelle-là qui est apparue, Dieu l'a envoyée. Ah, elle a descendu du ciel comme ça, doucement, sur terre, là, puis elle s'est fait remplir de marbre. Fait que c'est Dieu qui me l'envoie. Fait que d'accord, j'ai fait ma part, j'ai mis sur bord de chemin, puis elle va rester drette là. Fait que quiconque passe avec son sac à marde, tu sais, qui t'es responsable enough pour t'acheter un chien puis le gérer, mais t'es pas assez responsable pour gérer ta marde, ben au moins là, Dieu t'a fait descendre, puis Papa Cassette, ensemble, en concert, se sont organisés pour que cette poubelle-là soit sur le bord de la rue pour toi. Alors, mets ta marde dedans, puis les éboueurs vont la vider de temps en temps, c'est tout. Alors, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Sinon, les poubelles du QG, ça va, ça va. Ce qui aurait été beau pour Noël, c'est que le voleur de nos roues de bac de recyclage nous les redonne, tu sais. Mais non, toujours pas. Par contre, là, maintenant que je traîne mon bac à... Faut que je traverse la ruelle au complet avec le bac à poubelle et le bac à recyclage, tu sais, pour aller les mettre du bord de la rue. Fait que quand je traîne le bac à recyclage, ça frotte sur l'asphalte, ça fait full de bruit, tu sais. Mais là, au moins, il y a de la neige, donc c'est plus doux, c'est plus tolérable. Alors voilà. Faudrait que je rappelle à la ville, là, d'ailleurs, pour que ces enfoirés-là, ils reprennent le dossier. Je les avais appelés, je leur avais donné mon numéro de bac de recyclage, parce que c'est eux autres qui viennent te le porter, et ils viennent te le porter, bien sûr, un dimanche. Ou whatever, ils viennent pas te le porter pendant les heures ouvrables. Fait que là, c'est comme fuck, il faut que je sois là dimanche pour accueillir mon bac à recyclage. Puis il y a un numéro dessus, fait que tu sais, c'est répertorié, ça là. Fait que ils ont mon numéro, mon call, tout, mais ils sont pas allés de l'avant. Callis. Ah, on s'en fout, je sais bien. Mais oui, pour finir, fait que les poubelles, c'est mon cadeau de Noël, dans le fond, tout va bien. Il n'y a pas eu d'autres petits sacs de marde qui ont été déposés sur le parvis au magasin, donc ça, c'est nice. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Notre party de Noël Retro MTL a eu lieu la semaine passée, là, tu sais, avant tout ce délire-là, bien sûr, sinon il n'y en aurait pas eu du tout. On a fait ça à l'arcade, mais avant qu'on fasse ça là-bas, on a pris une petite bière ici au QG. Puis Carl, le technicien, m'a donné un cadeau. Il m'a offert un cadeau. Là, je me demandais bien c'était quoi ça. Fait que je déballe ça, puis regardez comme c'est drôle. C'est une poubelle pleine de sacs de crottes de chien de cul de marde. C'est vraiment une poubelle pleine de sacs. Là, je déballe ça. Moi, j'étais en panique ben raide. Je suis comme, man, c'est-tu de la vraie marde que t'as mis là-dedans? Non, il a pris le temps de faire des petits sacs comme ça. Un à un. Toutes des différents, là. Toutes des sacs de chien et de crottes de cul. Et puis, il a mis du petit papier dedans. Fait qu'ils ont vraiment de l'air plein. Et je trouve ça hilarant. Tiens, en voilà un autre. Donc, c'est très, très drôle. Puis, dans le fond, ces faux sacs de crottes-là servaient à faire un petit padding là, pour le vrai cadeau qu'il y avait dans le fond ici. Qui est de la boisson, qui est une petite bouteille de whisky. Donc, je devrais pouvoir tuer à COVID avec un petit rail de même. Donc, voilà. C'est très drôle, je voulais vous le montrer parce que c'est une très gentille attention et surtout parce que c'est fucking drôle. Carl qui écoute mon podcast et sa conjointe aussi. Donc, merci Carl. Encore une fois, c'est très drôle et c'est très apprécié. Je voulais vous le montrer. Ah, fait que, ouais, je pourrais peut-être mettre un petit whisky dans mon café le matin déjà. Hein? Mais non, je le ferai pas parce que j'ai quand même du boulot. On est à jour là, dans nos affaires, mais j'ai quand même un peu de boulot. Et puis, ça se peut que j'aille besoin d'aller donner un coup de main au magasin aussi. Là, Maud et Rachel sont partis et puis ça laisse un grand trou. Par contre, on a deux nouvelles personnes pour combler. Mais là, tu sais, comme le monde a peur de la COVID aussi, fait que là, comme ils sont pas sûrs, fait que là, nous autres, on va padder puis tout ça. Tout le monde a peur, je vous le dis. Là, les familles, les employés, tout le monde a peur là, présentement. Fait qu'il faut rester aux aguets. Mais c'est le temps des fêtes qui arrive aussi, fait que... il y aura un Boxing Day, il y aura des choses, on se prépare à ça présentement. Et puis, ben, vous suivrez notre page et puis on va annoncer tout ça, comme d'habitude. Et puis, début janvier aussi, il va falloir faire notre inventaire. Martine travaille fort là-dessus. Un très gros, très, très grosse mise à jour de l'inventaire. Ça va être long, ça va être fastidieux. Il va falloir le battre en une journée maximum pour ne pas rester fermé au public trop longtemps. Et puis, ça va faire du bien. On va trouver des erreurs là-dedans, là, c'est sûr. Tu sais, notre inventaire, il est tellement gros. Tu sais, nous autres, c'est pas qu'on a nécessairement le plus grand inventaire, mais on a un très grand inventaire. Est-ce qu'on a un grand roulement, tu sais? Fait que les affaires, en moyenne, restent pas longtemps, tu sais, en magasin. Fait que ça, il y a des affaires qui dorment très longtemps, là, mais le core, la majeure partie, roule beaucoup, tu sais. Fait que, à cause de ça, des fois, ça crée des trucs. C'est comme, fuck, il manque tel jeu dans telle commande. Ah, ça, on a comment ça qu'on a deux de ça, on est supposé en avoir un. C'est parce qu'on joue ses quantités aussi. Ah, quelqu'un, ah, cette manette-là marchait pas, le client l'a ramené. Ok, ben, pogne cette manette-là. Fait que, envoie une manette. Là, il d'un coup, hop, il manque. Où est-ce qu'elle est? Il manque une manette dans ce kit-là, tu sais. Fait que, des affaires de même. Fait qu'il faut faire attention à ça. Faut vraiment être très discipliné. Et puis, faut faire une mise à jour de temps en temps. C'est normal, il y a un moment donné que les stocks, il y a des fluctuations là-dedans. Fait que, puis, on a beaucoup plus de stocks qu'on avait avant. Alors, ça sera une très grosse journée. Martine travaille là-dessus. Et puis, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi le résultat de ça. Mais une chose est sûre, ça va faire du bien. Ménage d'inventaire, ménage du magasin, ça c'est parfait. Si jamais ils ferment les commerces, ben écoute, on aura plus de temps pour faire notre inventaire, c'est parfait. Puis la boutique en ligne va continuer de rouler comme d'habitude. T'sais. Fait que quand les commerces ferment, pour nous, RetroMTL, ben c'est pas vraiment un problème. Là. Oui, on fait moins de ventes parce qu'il y a moins de gens qui viennent sur place, là, mais on fait des ventes pareilles. Là, fait que on se maintient malgré tout. T'sais. Puis ben, quand les commerces ferment, on a moins d'employés à payer parce que moins pas besoin d'employés en magasin. T'sais. Fait que des dépenses de moins, puis le chômage, puis bon. Fait que tout ça va ensemble, mais overall, ben, on s'en sort. T'sais. Fait que ça m'inquiète pas. Fait que c'est ça. Et quoi d'autre ici? Quoi d'autre? Je sais pas, man. Je sais pas. C'est ça. Bon, je peux parler un peu de jeux vidéo. Vous avez vu... peut-être... j'en parle dessus, là. Avant, je publiais sur ma page Facebook beaucoup les jeux que je terminais ou les jeux que je jouais, mais j'ai créé un groupe Facebook pour les... excusez, je checkais un email là, qui vient de popper. J'ai créé un groupe Facebook, il y a un bout, qui s'appelle « Finir des cassettes ». C'est pour, comme tu publies là-dessus les photos des jeux que tu as finis, tu brags, tu es fier de toi, whatever, ou tu veux montrer des jeux aux autres. Donc, tu fais ça. Puis, c'est bien populaire, là, ça roule, là, les gens, ils contribuent beaucoup, sérieux, puis c'est pas juste des cassettes, en passant, ça peut être des disques, tu sais, comme les gens, ils terminent des jeux récents, ils terminent des fucking jeux de PC, ou whatever. C'est tout bon, ça. C'est tout bon. Fait qu'allez joindre ce groupe si ça vous dit « Finir des cassettes ». Et puis, j'ai publié là-dessus que je vais terminer Tales of Iron. Donc, j'en avais parlé un petit peu à mon dernier spectacle. Et puis, je l'ai terminé. Et puis, j'ai vraiment adoré ça. Vraiment, vraiment. Ça, c'est dans mes top jeux cette année, c'est certain. Et puis, je recommande à tout le monde. Comme, je ne vais pas repasser au travers de tout ça. Là, mais, ouais, je l'ai terminé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, allez voir du gameplay de tout ça. Et puis, si ça vous parle... Achetez ça. On n'a plus en copie physique. C'est parti quand même vite. Puis, c'est un jeu qui m'a vraiment pris par surprise. C'est des amis qui m'ont dit ça. T'sais, je savais que j'avais entendu un peu entre les branches, peut-être que ça existait. Et puis, des amis m'ont dit non, il faut que tu joues à ça. T'sais, il faut. Je suis comme, ok, mais j'étais pas sûr du look. Puis, non, 100% là-dedans. Donc, excellent. J'ai aussi terminé, que j'ai publié sur la page Ghosts and Goblins au Game Boy Color. Et puis, ça, c'était un jeu que j'ai décidé de garder dans un lot de jeux Game Boy qui est rentré chez RetroMTL. Et puis, tu sais, je voulais juste le tester. J'ai tout testé ces petits jeux-là là, que j'ai gardés pour voir s'ils marchaient. Et puis, là, je me suis comme laissé emporter par Ghosts and Goblins. Parce que j'ai tellement joué à la version NES pour la terminer deux fois, parce qu'il faut que tu finisses le jeu deux fois. Puis la version NES, tu sais, les contrôles, c'est pas tight, là, tu sais, puis c'est buggy, puis c'est glitchy, puis c'est pas fair, puis c'est vraiment dur. Puis c'est ça, la version NES, là, c'est pas un petit cadeau jouer à ça. Mais, je sais pas, par entêtement, puis parce que ça finit par être le fun de gosser, tu sais, comme... C'est pas comme broken par rapport, tu sais, c'est juste assez pas broken, tu sais, pour que ça soit tolérable. Tu dis, crise de jeu, je vais m'en l'avoir, tu sais. Moi, c'est ça qui arrivait, là. C'est comme, bon, là, je m'assois, puis je refais le dernier niveau une autre vingtaine de fois, puis peut-être que je vais réussir cette fois-ci, là. Tu sais, je l'ai fait. Puis j'ai fini par réussir. Puis c'est un jeu qu'à force que tu joues, ben, plus que tu joues, moins qu'il est difficile. Ben, c'est le même pour tous les jeux difficiles, tu sais. Ninja Gaiden 3. Au départ, je trouvais ça, man, c'est tombé dur ce jeu-là. J'ai tellement joué, Puis j'avais tellement de plaisir à rejouer parce que c'est super bon. Qu'au final, tu sais, c'était pas grave s'il n'y avait pas des continues illimitées, parce que j'en utilisais juste un, tu sais. Puis j'ai vu où est-ce qu'il y avait des vies que je peux ramasser, puis j'étais comme, je performais bien plus. Donc, c'est ça qui est vraiment plaisant avec ces jeux-là. Alors, j'avais tout mon training de Ghosts and Goblins NES dans le corps encore quand j'ai entamé la version Game Boy Color. Et puis, la version Game Boy Color, c'est toute la même affaire que le NES. Tu sais, comme les mêmes niveaux, les mêmes bébites aux mêmes places, les mêmes affaires. Puis je sais pas si c'est la même affaire que la version arcade. Quand on est allé au McFly l'été passé, il y avait un cabinet Ghosts and Goblins, et puis j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que la version Game Boy Color. La version Game Boy Color, j'ai trouvé comme vraiment pas difficile là. Les bonhommes, les espèces de bonhommes... Dans le deuxième niveau, il y a une mansion, une grosse maison dans laquelle tu marches, il faut que tu montes, puis tu fasses le tour. Puis là-dedans, il y a des bonhommes, des gros bonhommes beige là, qui sont... Des espèces de je sais pas quoi, là, des bossus, là, tu sais. Puis eux autres, ils marchent, quand ils te voient, ils foncent vers toi. Puis des fois, ils te lancent des projectiles, ou quand t'es sur la plateforme d'en dessous, ils te lancent des projectiles vers le bas. Et puis, il faut vraiment que tes poivres, là, ils prennent genre 10 hits, là, tu sais. Puis c'est vraiment des hosties. Puis quand... Puis au NES, tu sais, il y en a beaucoup. Puis il y a plein de corneilles qui arrivent en même temps, man. Puis t'es comme, fuck, il y a de la merde partout autour de moi. Puis il faut que tu te colles sur le mur pour aller péter ceux-là au bord du mur pour que quand tu vas faire le tour, tu vas revenir qu'ils soient plus là parce que sinon tu pourras jamais descendre les marches parce qu'ils restent autour de toi. Bref, c'est un bordel. Puis ces bonhommes-là, il y en a au dernier niveau aussi. Puis c'est eux autres qui scrapent toute la game parce qu'ils sont vraiment durs. Puis dans la version Game Boy Color, ces bonhommes-là, ils font rien. Ils tirent pas dessus, ils marchent lentement, ils foncent pas sur toi. Tu fais juste comme les poivrés puis ils pètent. Donc ça change toute la game pour vrai, là. Ces bonhommes-là, c'est une formalité, là, maintenant. C'est vraiment rien du tout. Les Firebrand, les petits démons rouges, c'est pas mal comme au NES, là, tu sais, ils te foncent dessus. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je les trigger en leur envoyant un projectile. Puis là, ils se lèvent dans les airs, puis ils se mettent à voler. Puis là, je saute par en arrière en tirant par en avant. Puis des fois, je peux reculer loin dans le niveau, là, puis il va tout le temps comme foncer vers moi. Mais moi, je tire, tu sais, pour pas qu'il se rende jusqu'à moi, tu sais. C'est ma technique, là. Puis, mais ils ont pas de pattern, c'est ça qui est dur avec ces bonhommes-là, ils sont vraiment random. Puis au NES, ils sont hyper rapides, Game Boy Color, ils sont moins stressants, mais ils ont quand même pas de pattern. Fait qu'ils sont quand même difficiles, mais c'est vraiment pas si pire, tu sais. Il y a un dragon qui est un boss de niveau, et puis qu'on revoit au dernier niveau aussi. Pas dur, sérieux, pas dur, même au dernier niveau. Au dernier niveau, t'as comme le boss du premier niveau. Dedans. Après, t'as le boss de deuxième niveau, le dragon. Et puis, ben celui du premier niveau, j'arrive pas à le tuer, comme il me fonce dedans, je perds mon armure, mais je continue mon chemin. Le dragon, je monte les marches au plus vite, je monte plein d'étages, puis il finit par me lâcher, fait que j'ai pas besoin de le tuer. Mais au NES, il faut que tu le tues, parce qu'il te lâche pas. Et puis, c'est vraiment, tu sais, comme difficile à cause de ça. Fait qu'au Game Boy Color, pas besoin de faire ça. Mais la seule affaire qui m'a gossé au Game Boy Color, c'est qu'il y a des armes qui tuent pas toutes. Tu sais, au Game Boy Color, tu fais tout le jeu avec les balles de feu. Et puis, à la fin, tu pognes le bouclier croix, là, parce que t'as pas le choix de prendre cette arme-là pour le boss final. Par contre, si à Ghosts and Goblins, quand tu pognes une arme, tu l'as pour toujours, tu sais, jusqu'à ce que t'en pognes une autre. Donc, mettons, je finis le jeu une première fois au Game Boy Color avec mon bouclier croix. Là, je recommence au début du jeu. Fait que là, je fais le premier niveau, j'arrive au boss, puis je tire des boucliers, puis ça le tue pas, parce que ça a pas d'effet sur lui. Les boucliers ont pas d'effet sur les boss. Ils ont pas d'effet sur les boss du premier niveau. Puis le boss du premier niveau, on le voit au début du dernier niveau aussi. Fait que quand tu meurs dans le dernier niveau, tu recommences au début de ce niveau-là, t'as encore ton bouclier, parce que tu le gardes pour toujours, même quand t'es game over, puis tu prends un continu. Fait que tu peux pas le tuer. À moins que tu prennes une lance qui traîne à terre, là tu le tues, après ça tu pognes ton bouclier, tu comprends, c'est comme de ce petit gossage. Fait que ça c'est bien tannant. Il y a des haches aussi qui sont super fortes, mais des haches, ils tuent pas le dragon. Moi j'arrivais avec mes haches comme « Yeah, ce dragon-là va mourir ». Non, aucun effet sur le dragon. Je suis comme « Fuck ». Fait que là, il fallait que je meure ou que je reprenne mon password pour recommencer au début du niveau pour pogner une fireball. Fait que ça, c'était un peu tannant, tu sais. Parce que oui, il y a des passwords au Game Boy Color. Fait que ça, c'est très pratique. T'as un password par niveau. Et puis, au début des deux premiers niveaux, quand tu meurs au boss, tu recommences au boss. Là, j'étais comme, wow! Hey, ça c'est le fun. T'es tout de suite rendu au boss, ben c'est facile. Parce qu'au NES, quand tu crèves, tu recommences loin du boss. Faut tout que tu fasses le chemin jusqu'au boss encore, tu sais, ce qui est assez cruel. Là, je suis comme, bon, ben c'est une belle amélioration. Mais au Game Boy Color, c'est juste pour les deux premiers niveaux. Alors, je vous avertis tout de suite, criez pas victoire, vous allez recommencer le niveau complet vers la fin, et puis un peu avant, vous allez recommencer à mid-niveau quand vous allez crever au boss. Mais tout dans tout, cette version-là est vraiment agréable, et puis je trouve que c'est une excellente porte d'entrée à la série Ghosts and Goblins. Je dirais pas série, parce que Ghosts and Goblins, c'est un jeu. Ghouls and Ghosts, c'en est un autre. Puis, je sais pas exactement si Ghouls and Ghosts est considéré vraiment comme la suite de Ghosts and Goblins. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de Ghosts and Goblins 2 ou il n'y a pas de Ghouls and Ghosts 2. Mais il y a des. Tu sais, comme il y a un Ghouls and Ghosts au Genesis, il y en a un au Super NES, il y en a un à l'arcade. Je pense qu'ils sont tous différents. Ghosts and Goblins aussi, c'est un petit peu la même affaire. Puis il doit exister plein d'autres versions de Ghosts and Goblins aussi. Donc, dur à dire. Moi, j'ai pas d'expérience à Ghouls and Ghosts. Mais j'ai de l'expérience à Ghosts and Goblins maintenant. Alors voilà, j'ai bien aimé ça. Donc, je vous le recommande. Excusez, il faut juste que j'aille dire à mon collègue de hockey ici que je vais jouer au hockey ce soir. Ta place est disponible. Tu es partant de ton côté? Oui. Et voilà. Parce que j'avais annulé mon hockey de ce soir en prévision de faire Rétro Nouveau demain. Parce que quand je joue au hockey, je finis tellement tard que je suis tout le temps fatigué le lendemain. Puis je voulais être en forme pour faire le 200e de Rétro Nouveau. Et puis, voilà. Mais là, il n'y a plus de Rétro Nouveau. Alors, j'ai dit, hey, ma place est-elle encore disponible? Fait que ma place est disponible. Donc, je vais faire une petite dernière game de hockey avant Noël. Puis ça me remplit de bonheur. Là, ça fait 2 semaines que j'annule mon hockey, par contre, parce que j'avais le show d'Yannick de Martineau et j'avais notre party de Noël de Retro MTL, fait que je vais être un peu rouillé, là. Mais ça va faire du bien, un petit exercice avant de se vautrer dans les victuailles des fêtes. Se vautrer dans les victuailles! On continue à parler de jeux vidéo, mes beaux amis, avec le jeu qui s'appelle Trigger Witch. On en a plus chez Retro MTL en passant. On se le fait demander. On aurait dû en commander plus. Trigger Witch, c'est un mélange de Zelda et de voyons, Enter the Gungeon. Donc, c'est un Zelda top-down. T'es une sorcière, mais l'ordre des sorcières, les sorcières sont plus capables de faire de magie. Fait que ils utilisent des guns. J'adore le concept. Fait que t'es comme tac, tac, tac, tu tires du gun, tu sais. Fait que tout le lore est autour des guns, tu sais. T'es comme dans l'ordre du balistique, la clip. C'est tous des noms de guns, là. C'est très drôle. Et puis, t'as un gun principal, et puis t'as deux autres. Puis t'as plein d'autres guns qui existent, mais tu peux en équiper deux autres seulement. Fait que ton gun principal, tu tires. Et puis, en tout moment, tu peux switcher avec l'un de tes deux autres guns que tu as strappé dans le dos. Et puis, c'est d'avoir une belle combinaison des trois guns, là, dans le fond. Mais au final, on va y aller ces guns tout de suite. Moi, j'ai commencé ce jeu-là. Je pense que je suis déjà rendu à 50%. J'ai comme plongé là-dedans. J'ai plus de temps pour gamer ces temps-ci. Fait que je voulais gauler ça. Et puis, j'ai bien du plaisir. Et puis, toutes les guns, tu peux les upgrader. Il faut que tu trouves d'abord un genre de bloc, item, je sais pas quoi, qui perd. T'as un gun shop, et puis dans ton gun shop, tu vois tes guns que t'as, et puis tu peux payer pour upgrader tes guns, mais tu ne peux pas commencer à les upgrader à moins d'avoir pogné un genre de petit truc, comme une clé pour débarrer la permission d'upgrader tes guns, là, dans le fond. Alors ces trucs-là, tu trouves ça dans des coffres un peu partout dans les donjons, sur la map, puis un coup que c'est fait, ben, tu payes pour upgrader ton gun, donc tu peux upgrader le damage, la vitesse de tir, le reload time, et puis la quantité. Donc, voilà. Et puis, j'ai pas toutes les guns encore, mais là, le gun de base, pour être franc, il est très efficace. Là. Moi, je viens juste de finir de l'upgrader dans le tapis hier soir. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore dans un donjon. Mais à date, c'est pas mal le gun le plus efficace, je trouve. J'ai un lance-flamme que j'aime bien utiliser. T'as un autre gun, c'est 2 Uzi, un dans chaque main. Il y en a un, c'est un genre de gun pompeux, là, pouf, qui tire une genre de grenade là, rebondissante, qui explose. J'ai aussi une petite grosse mitraillette là, qui tire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le gros Gatling Gun. Je viens juste de la pogner celle-là, mais je vais l'upgrader un peu pour voir. Mais, puis un genre de AK là, qui poivre, pas pire. Mais lui, il va devenir moins efficace plus que mon gun de base est équipé. Donc là, je vais y aller lance-flamme, Gatling Gun avec mon gun de base et puis on verra ce que ça donne. Je pense que peut-être plus tard dans le jeu, il y a de la magie qui peut revenir. Tu sais, dans le dialogue, il y a beaucoup de. Dans le scénario, on parle beaucoup de la magie oubliée, des sorcières. Puis que. Ben, j'ai comme l'impression que ça va revenir, là. Tu sais, fait qu'il va peut-être avoir de la magie avec ça un peu. J'ai hâte de voir. Ça devrait arriver bientôt. Et puis, quoi d'autre? Mais c'est ça. Dans le fond, ça me faisait penser à Link to the Past parce qu'au début, il faut que tu fasses 3 donjons. Donc, ça me fait penser aux 3 pendentifs. Tu sais, il faut que tu ailles chercher des affaires. Puis là, ça te permet d'avoir une potion. Puis grâce à cette potion-là, ben, tu peux aller dans un monde plus loin. Puis là, je suis rendu dans ce monde-là. Fait, puis c'est une map overview qui se dévoile à mesure que tu marches dedans. Comme dans Zelda, tu sais. T'as des téléportes. T'as des donjons. Dans les donjons, t'as des téléportes pour aller d'une place à l'autre. Ça, c'est nice. Et puis, il y a des puzzles à faire. Tu sais, des petits. Il y a des convoyeurs. Tu tires un truc et puis ça l'active une autre affaire. Tu as des légers puzzles. Mais je trouve qu'il y a plus de gonnage que de puzzles, en toute honnêteté. Puis c'est bien correct de même aussi. C'est ça qui est le fun dans ce jeu-là. C'est un twin stick shooter. Hein? Ça fait que tu vises à gauche. Puis. Non, tu marches à gauche. À gauche. Tu marches avec ton analogue de gauche. Tu vises avec celui de droite. Puis tu tires avec ton ZR. Et puis tu switches les guns avec L puis R. Donc les contrôles sont excellents. Et puis tu as une potion aussi de vie. Ben là, c'est rendu que j'en ai 2. Alors à tout moment que tu es presque mort, tu pèses le bouton, puis tu prends ta potion, puis tu continues. Je trouve que les jeux font indie, ils font souvent ça. Tu sais, dans Hollow Knight, tu as de la potion. Dans Tales of Iron, tu as une potion. Tu as une petite potion là, qui se remplit. Puis dans Trigger Witch, la potion se remplit à mesure que tu tues du monde. Donc ça, c'est très pratique. Tu n'as pas besoin de la remplir nulle part. Tu tues du monde, puis ta potion va se remplir tranquillement. Fait que j'ai fait du cash dans une arena où est-ce que c'est à l'infini, il y a des ennemis qui arrivent. Puis tu tues tellement de monde que ta potion, elle se remplit, tu sais. Fait que tu peux toffer un bon bout de temps puis faire bien du cash dans cette arena-là pour booster tes guns. Puis là, je pense qu'avant d'aller plus loin, je vais farmer comme un RPG. Je vais juste comme tuer du monde dans l'arena puis avoir des tonnes d'argent. Puis avec ça, je vais aller upgrader mes guns au max avant de me taper le prochain donjon. Puis moi, te les tuer, des hosties. Fait que c'est ça. Cela dit, c'est très... visuellement, c'est pas bien beau. C'est pas spécialement hot, là. Tu sais, c'est sympathique, là. Mais je trouve pas ça spécial. Et puis, tu sais, la map, tout ça, c'est léger. Tu sais, c'est pas... Y a rien de révolutionnaire dans ce jeu-là du tout. C'est un feel-good game, tu sais, sympathique. Beaucoup de dialogue, quand même. Ça me tape un peu ses nerfs, là. C'est pas si intéressant. Mais c'est ça, c'est pas super beau, c'est vraiment léger, et puis ça se fait vite et bien. J'approche le 50%, je dois être à 40%, là, je pense, et puis j'ai mis quoi, 2 heures et quelques là-dedans. Peut-être que le reste est plus compliqué, parce qu'on m'a dit 10 heures pour ce jeu-là. Fait que 10 heures pour tout ramasser, tout faire, toutes tes guns dans le tapis, peut-être. Je pense pas que je vais faire ça, je sais pas, on verra comment je feel. J'ai tellement un backlog, tu sais, que j'ai comme l'impression que si je finis le jeu... Puis qu'il me reste des affaires à upgrader, je prendrai pas le temps de le faire, je vais passer au prochain jeu. Donc, à voir. Mais c'est très sympathique, j'aime bien ça. Et puis, je suis là-dessus présentement. Puis, vous avez vu mon post Facebook hier sur ma page Papa Cassette, j'ai reçu. Je les ai-tu les photos encore? Je vais les ressortir. Hey, je parle beaucoup, là. La caféine est vraiment rentrée dans mon corps là, présentement, puis je parle. Fait qu'on a reçu plein d'autres affaires qui sont présentement en train de se faire mettre en ligne chez Retro MTL. Donc, Double Dragon Neon, excellent jeu, guys. C'est un excellent Double Dragon. La soundtrack de Jake Kaufman, en fait, c'est le même gars qui a fait Shovel Knight et plein de jeux WayForward, parce que Double Dragon Neon, c'est fait par WayForward. Et puis, cette soundtrack-là est absolument incroyable. Le jeu, il est super le fun et puis plein de personnalités. Donc, c'est très bon. On a des tonnes de copies. Double Dragon 4 aussi qui a été fait. Double Dragon mal aimé que j'ai joué 15-20 minutes. J'ai trouvé correct. C'est vraiment plus comme Double Dragon 2 au NES. Et puis, bien content d'avoir ça physique pour y redonner sa vraie chance. Là, je vais faire ça tranquille puis j'ai hâte de voir. The Takeover, qui est un beat'em up aussi qu'on a reçu, je sais pas exactement ce que c'est, genre de mix de Final Fight Streets of Rage, à ce que mon ami Olivier Clos a dit. Okinawa Rush, ça c'est vraiment un pur guest, là, ça... T'as comme des waves d'ennemis qui te foncent dessus, faut que t'es dessus non-stop. Là, ça a quasiment plus l'air d'un jeu de cellulaire qui a été porté sur Switch, tu sais, ça arrive, ça. J'ai joué comme 5 minutes, là, puis là, il y avait comme trop de textes, puis trop d'affaires, puis ça me gossait, j'ai fermé. Je trouvais ça un peu étrange, il va falloir que je prenne le temps de checker ça comme il faut. Un jeu de PS4, Dangan Severon, qui est un shmup de Cave. Cave, qui sont derrière Dodonpachi, les grands classiques de même. Cave font des Bullet Hell avec des grosses bullets de couleurs. Donc, excellent développeur de shmup, je veux dire, c'est le Day King là-dedans. Et puis, j'avais jamais joué à ça, puis ça a l'air d'être un genre de jeu basé sur la musique, là puis tout ça. La musique est un prétexte, là, les concerts de musique, je sais pas, man, c'est du schmuck de la musique, pis c'est fou, pis c'est cave. Fait que j'ai ça pour PS4. Alois Collection, ça, je suis vraiment content. C'est comme des jeux, des Metroidvania NES qui ont été faits il y a longtemps. Et puis moi, il y avait juste moyen de jouer à ça sur Steam, je pense. Je pense qu'il n'y avait même pas ça sur Switch. Je sais que Bruno avait couvert ça à Rétro Nouveau. Comme, wow, mais sinon, ben, nice ça, tu sais. Mais moi, je veux pas jouer sur Steam, là. Jouer sur un ordinateur, ça m'énerve. Puis je m'étais jamais vraiment plus. J'avais jamais vraiment trouvé d'autres façons d'essayer d'y jouer, mais je voulais vraiment. Je me disais tout le temps, fuck si ces deux jeux-là peuvent être sur Switch physique à un moment donné. Et ils le sont. C'est arrivé, c'est fantastique. Les deux sur la Switch. C'est beau. Enfin! Fait que ça, j'ai vraiment hâte de jouer à ça dans le temps des fêtes aussi, là. Je vais déballer ça, puis je vais dévorer ça, c'est bien certain. Ça a l'air vraiment super le fun. Donc, Alois Collection, ça contient les jeux... c'est quoi les jeux? Il y a Alois Legacy, et puis Alois, tu sais, A-L-W-A, c'est le nom du personnage. Ben, j'imagine. Donc, t'as Alois Legacy, puis l'autre jeu, j'ai oublié comment ça s'appelait. Là. Fait que c'est pas Alois 1 et 2, c'est Alois Legacy et Alois une autre affaire. Donc très cool, et puis Blaster Master Zero 3 est arrivé aussi en physique, et on a des sleeves en carton, des slipcovers qu'on appelle, et donc tout comme les Shantae qui avaient un slipcover pour mettre les 5 jeux dedans, Blaster Master Zero a un slipcover pour mettre les 3 jeux dedans, et puis moi j'ai les 3 jeux sealed parce que je ne les ai pas déballés, parce que quand Blaster Master Zero était annoncé, je les achetais tout de suite en digital pour jouer parce que j'avais hâte, parce que c'était tellement bon. Fait que j'ai jamais déballé mes versions physiques. Fait que là, ben, tout comme Shantae non plus. Alors là, j'ai toutes mes Shantae sealed dans le slipcover. J'ai toutes mes Blaster Master sealed dans le slipcover. Et ça, là, je trouve ça beau. Je mets ça sur mes tablettes. Puis je suis bien fier de moi. Je trouve ça bien, bien beau. Fait que si vous voulez aussi être fier de vous avec vos Blaster Master Zero. Et ça doit être en ligne au moment où est-ce que je vous parle. Ça serait supposé, sinon il y a du monde qui va se faire taper ses doigts. Fait que c'est pas mal ça, là, les derniers ajouts et les dernières affaires qui se passent. Ah là là là là! Il va falloir que j'aille bosser! Ah, je suis pas réveillé tant que ça. Ma moustache apparaît plus bien, il va falloir que je rase le reste pour faire sortir la moustache. Je vais faire ça. Et puis, je suis content aussi. Ma mère avait une opération importante qu'elle a subie parce qu'elle avait une masse sur les ovaires, tout ça qu'elle s'est fait enlever en avril dernier, là, genre. Et puis, elle a eu les résultats hier, puis on était tous bien inquiets qu'il y ait le cancer là-dedans, qu'il reste des traces, puis tout. Puis finalement, rien du tout. Le truc n'était pas cancérigène finalement, et puis la masse est partie, puis il n'y a plus de restant de rien de tout ça. Fait que ça nous inquiétait bien gros, tu sais, je veux dire, s'il y avait eu des problèmes, ça aurait comme changé notre Noël pas mal. Fait que c'est ça. Donc, on est tous plus légers dans la famille là maintenant grâce à ça. Fait que ça, ça va bien partir les fêtes, je suis bien content. On était supposé aller en Beauce, bien sûr, dans Belle Famille, on n'ira pas parce que la famille est trop volumineuse, tu sais, puis on veut pas être les Montréalais qui amènent le micro en Beauce, quoi, qui doit être rendu à l'heure qu'il est. Hein. Maxime Bernier doit nous avoir amené ça là-bas, à Saint-Georges. Fait que non, on prendra pas de chance, puis même là, chez mes parents, à Saint-Hubert. Mes parents sont à Saint-Hubert. C'est pour ça que je vais au Game Over à Saint-Hubert de temps en temps, magasiner des petits trésors qu'ils ont là-bas et qu'on n'a pas. Ils ont reçu un lot, ça fait un petit bout là, ils ont reçu un lot de Atari Lynx l'autre fois, puis il y avait un Ninja Gaiden 3 là-dedans. J'ai comme. J'ai pas été assez rapide, mais c'est quelque chose de nice ça, que j'aurais voulu avoir. Fait que on les salue. Et puis ouais. Donc quand je vais à Saint-Hubert, j'aime bien faire un petit détour là. Des fois je vais voir, je vais au Mercado. Je vais faire des petites plages. J'aime ça faire ma petite tournée de place où il y a des jeux. Donc peut-être je vais faire ça en temps des fêtes si tout n'est pas fermé. Mais c'est ça, à date on irait à Saint-Hubert et ça serait tout. Alors on va être pas mal à la maison. On verra qu'est-ce qu'on fait. Pas grand-chose, I guess. Il n'y aura même pas de hockey à TV. C'est le fun, un petit hockey à TV. On va écouter, on va gamer, on va écouter des films avec les enfants. Puis coudonc, ça sera ça. Ça sera un autre Noël tranquille. Pas que c'est désagréable quand même. Hein. C'est moins de courir partout et tout ça, mais c'est juste que... Ça vient, tu sais, t'es comme, yeah, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, mais en même temps, tu peux pas faire ce que tu veux vraiment parce que tout est fermé, tout le monde a peur et tout. Fait que c'est vraiment de rien faire. Fait que ça sera ça, on verra bien ce qui se passe. Ça va être pas mal de même que Noël va se faire pour nous. Donc, ouais. Mais bon, hey, lâchez pas, tout le monde, vous êtes en télétravail, vous êtes relax. T'sais, on verra qu'est-ce qui... T'sais, ça va bien aller. Je suis plus capable d'entendre ça. Saoulez-vous à gueule. Prenez du scotch. Hein? Mangez, buvez, amusez-vous. Faites vos affaires. C'est ce qu'on va faire tous. Et puis, il n'y a pas rien d'autre à faire d'autre que de laisser ça passer encore une fois. Je me dis, je parlais de ça avec un ami l'autre fois, puis on devrait quasiment, t'sais, tout fermer de décembre à... du 1er décembre au 1er mars. Ou au 1er avril, tu sais, comme les. Quasiment comme les côtés de stationnement à Montréal. Des jokes de Montréal. Donc, au lieu là, d'ouvrir, fermer, on sait pas, pour les commerces, bon, c'est compliqué, les salles de spectacle, les cinémas, on y va-tu pas, ta. Fermez tout, esti, sauf bien sûr les épiceries, puis les pharmacies, puis les affaires, du 1er décembre au 1er mars. Comme ça, habituez, tu sais, donnez des subventions au commerce pour que personne ferme. Puis ça, c'est tout le temps le pic. Tu sais, il y a tout le temps comme ben de la COVID. Mais non, c'est la COVID, mais c'est les maladies en général. Anyway, hein. En septembre, ça remonte parce que l'été est fini, commence à faire fret. Puis là, dans le temps des fêtes, ça pique. Même quand il n'y avait pas de COVID, le monde était plus malade dans le temps des fêtes. Là. C'est toujours ça. Tout le monde est malade dans le temps des fêtes. Pas de la grippe, ça. Ah, oh, fuck, c'est Noël, j'ai les rhumes, on est tout croche, tu sais. C'est pas nouveau, là. Fait que là, il y a de la COVID. Fait que c'est la même affaire. Donc, vu qu'on a peur de la COVID beaucoup, ben comme fermer tout, puis aider les commerces fermés, puis réouvrir au printemps. Et voilà, c'est tout. Ça va tout le temps être comme ça. Il y aura tout le temps pas de cas l'été, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Fait que, en tout cas, peut-être que ça serait une solution à envisager, ça. Pour aider à respirer, puis arrêter de dire « Ah, c'est correct, les hospitalisations, trois jours de temps. Hé, tabarnak, on n'a jamais vu autant de cas de ça. Faut fermer tout, tu sais. » C'est comme « Tu sais, au début, on suivait ça assidu. Là, ah mon Dieu, ok. T'sais, on le sait. Là. Même s'ils nous disent 10 est toléré présentement, je pense que la plupart du monde va comme Chris. Même à 10, j'ose même pas. Là, t'sais. Ils n'ont même plus besoin de nous le dire. J'ai vu des bars qui ont fermé, même s'ils n'étaient pas obligés de le faire. Parce qu'ils ont dit ouais, moi, là, je me taperai pas ça. T'sais. On ferme jusqu'à je sais pas quand. On se reverra plus tard. Bye. T'sais. Puis avec raison, c'est plus simple des restaurants. Hein. Personne ne va y aller au restaurant. Hein. Commencez pas à remplir vos frigos de bouffe puis de foie gras. Puis de... Personne ne va aller le manger, tu sais. Fait que ça va être de la perte. Les employés vont partir. Puis c'est ça, ça va être à recommencer encore. Fait que fermez donc tout. Supportez ces gens-là. Puis ils vont être là quand ça sera le temps de rouvrir. J'y pense. Je commence à me dire que ça serait une bonne chose. Fait que, en tout cas, donc ça fait le tour. Dans le fond, moi, je vais amener mon ordinateur à la maison. Alors, si je réenregistre un autre épisode, peut-être dans le temps des fêtes, peut-être que non, on verra comment je feel. Ça va être à partir de la maison, je vais travailler à partir de la maison, si travail il y a à faire. Donc, c'est mon dernier épisode pour cette année. Je remercie vous tous, tout d'abord mes Patreons, d'avoir contribué comme ça. 2000$ par mois, c'est pas rien. C'est une joke. C'est une blague. Mais je remercie les Patreons vraiment de contribuer à ce très humble spectacle que je fais. moi tout seul. D'ailleurs, en plus, cette semaine, j'étais supposé faire un épisode avec Martine, ma première invitée depuis longtemps. T'sais, son bureau est à côté. J'ai rien dans mon bureau. Ben, c'est elle qui l'a proposé. On peut faire un épisode spécial. Comme, ouais, ça aurait été le fun. Comme ça, vous pouvez avoir le point de vue de la directrice générale de Retro MTL sur comment ça marche ou comment ça marche tout croche ici. Et parler plein d'affaires. Et de la vie secrète des geeks. Fait que, mais ça n'aura pas lieu parce que Martine est en télétravail. Et puis, c'est ça. Moi, je suis seul. Alors, voilà. Mais on va le refaire. Donc, mais ça pour dire merci au Patreon, vraiment. Et puis, j'essaie de faire ces épisodes-là autant que je peux. Et puis, c'est bien, vous avez une belle... c'est bien reçu, des bons commentaires, et puis c'est bien, c'est très plaisant de voir ça. Tu sais, c'est pas, je suis pas Mike Ward, là, on s'entend, j'ai comme... J'ai genre entre 300, moyenne de 300, entre 300 et 400 écoutes sur YouTube, je pense. En audio, c'est dur à calculer aussi, je voudrais aller voir sur Archive, c'est la même affaire, mais est-ce-tu le même monde, tu sais, tout ça? Ça ferait peut-être 1000 personnes par épisode. Moi, je pense que ça doit jouer entre... entre 700 et 1000, mais j'en ai vraiment aucune idée de comment le mesurer vraiment. Cela dit, j'aime penser que, mettons, je suis dans une salle devant 700 et 1000 personnes. Comme, ces gens-là m'écoutent, c'est fou, pareil. Fait que tant mieux si ça vous donne, si ça vous donne de la légèreté. Hey, je cherche mes mots aujourd'hui. Je suis comme speedé, mais je cherche mes mots, je suis comme... anyway... C'est ça. Mais merci à tous. Très, très, très apprécié. Puis je vais continuer. Alors, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous tous. Si on ne se reparle pas avant, bonne année. 2022 en sera une bonne. Moi, je vise que 2022 soit mon 2020 que je visais. Tu sais, comme on redresse des affaires, on se replace, on est rendu habitué de la COVID, on va de l'avant, des beaux projets, des aspirations. 2022, ça va y être, là, guys. On va l'avoir, là. Rendu à la sixième dose, là, on devrait tenir le fort de la COVID, là. Fait que lâchez pas. Alors, merci encore, vraiment, tout le monde. C'est très apprécié. Je vous adore. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Joyeuses fêtes!